et bienvenue à la méditation guidée sur la connexion au corps. Commence par trouver une position confortable, assise ou allongée. Ferme les yeux afin de rentrer à l'intérieur de toi et ferme la bouche afin de ne respirer que par le nez. Les narines filtrent mieux l'air entrant que la bouche et permettent également une respiration plus lente et donc plus sereine. Le but de la méditation d'aujourd'hui est de suspendre momentanément l'agitation du mental au travers de la reconnexion avec le corps. Observe ta respiration. Remarque comme l'air qui entre est plus frais que l'air qui ressort. Pas besoin de forcer ta respiration. Elle se fait toute seule, sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit, juste la regarder. Pendant la méditation, tu es pris par des pensées, c'est normal et c'est pas grave. Quand tu t'en rends compte, ramène simplement ton attention à la sensation de l'air qui entre et qui sort. Cet acte de ramener son attention quand elle part dans des pensées est le fondement de toute méditation. Sans forcer, essaye de ralentir ta respiration. De telle sorte que tu ressentes comme un tout petit filet d'air qui entre et sort de tes narines. Progressivement, le filet d'air devient de plus en plus mince. Remarque ce qu'il se passe dans ton corps. Certaines parties semblent peut-être plus lourdes que d'autres. Certaines plus tendues. Maintenant, concentre-toi sur tes pieds. Essaye de porter toute ton attention sur tes pieds. Essaye de sentir tes pieds vibrer. Remonte ton attention plus haut dans ton corps en te concentrant d'abord sur tes jambes. Porte toute ton attention sur la sensation que tu as au niveau de tes jambes. Continue à monter dans ton corps et place ton attention maintenant vers ton bassin et tes organes génitaux. Remarque ce que tu ressens si tu as des sensations particulières. Place toute ton attention à ce niveau. Maintenant, focalise ton attention sur ton ventre. Ressens notamment comme l'air qui entre vient gonfler ton ventre. De traverse la tête, c'est pas grave. Ramène simplement ton attention à la sensation de l'air qui entre et qui sort de ton corps. Continue à scanner ton corps et focalise-toi maintenant sur ton cœur. Est-ce que tu peux sentir le cœur battre? Concentre-toi sur ton cou et sur tes épaules. Remarque les sensations que tu as à cet endroit. Peut-être y a-t-il une tension, ou peut-être es-tu au contraire complètement détendu à ce niveau. Porte ton attention maintenant sur tes mains. Peux-tu sentir comme tes mains sont vivantes? Essaye de focaliser sur tes mains de telle sorte à ce que tu ressentes comme elles vibrent. Thank you. Enfin, focalise ton attention sur ton visage et le reste de ta tête et ressens s'il y a quelque tension. Continuer pendant quelques minutes. Continue à respirer doucement et te concentrer sur la sensation de l'air qui entre et qui sort jusqu'au son de la cloche. Sens la texture et le poids de tes vêtements sur ton corps. Prends conscience de la température de la pièce et remarque si tu ressens des odeurs particulières. Après, ouvre les yeux et prends doucement conscience de ce qui t'entoure. Si tu fais cette méditation pour la première fois, c'est normal si tu n'arrives pas encore à complètement allouer ton attention vers telle ou telle partie de ton corps. Mais avec la pratique, ça te viendra de plus en plus facilement. Et c'est un excellent outil pour mettre une distance avec la pensée compulsive, par exemple quand tu essayes de t'endormir et que tu n'arrives pas à sortir de tes pensées. Ou à tout moment où tu te sens victime de l'agitation de ton mental. J'espère que cette méditation t'a été agréable. À bientôt.